Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je ne travaille pas sur les petits rats de l'opéra. J'ai travaillé sur le ballet de l'opéra de Paris. Et dans ce cadre-là, je suis travaillé sur l'école de danse de l'opéra de Paris, puisque les compagnies de ballet ont cette particularité, surtout dans les grandes compagnies de ballet classiques, d'avoir une école qui est dédiée, qui est du coup un observatoire très utile pour penser les questions de socialisation en particulier, de socialisation professionnelle et d'articulation entre les espaces de socialisation, et c'est plutôt ce que j'ai fait. Je travaille plus du tout sur cette question-là. C'est une question que j'ai développée pour ma thèse, et aujourd'hui je travaille sur les réformes scientifiques et sur les banquiers d'affaires, donc vous voyez, je travaille sur d'autres choses. En tout cas, je dois vous faire tout de suite une petite excuse, parce qu'en travaillant cette présentation, j'ai un petit peu déplacé le propos, qui était peut-être un peu trop ambitieux, et donc je vais vous parler de vocation. Je ne vais pas vous parler de vocation d'ascèse et de mortification, on pourra en discuter si vous voulez, mais j'ai décidé de travailler plutôt sur deux notions qui ont à voir avec la question du corps et de la religion, celle de vocation d'une part, celle de charisme d'autre part. Donc en tout cas, merci de me donner l'occasion de revenir sur ces éléments de réflexion que j'avais pour ambition d'essayer de développer. Il y a quelques temps déjà que je me dis, et j'en avais parlé à Charles Chiot, qu'il serait bien de réellement revenir sur les usages sociologiques des notions religieuses, de voir comment celles-ci ont travaillé la pensée sociologique, comment elle s'est saisie de ces concepts, les a parfois détournées, vidées d'une partie de leur complexité, mais aussi comment elle a pu enrichir certaines notions pour en faire de véritables concepts orientant par là même la pensée sociologique. Alors, il me semble que Max Weber n'est pas pour rien dans ce mouvement. Pierre Bourdieu non plus, pour le dire rapidement. Et donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je prends ces deux notions, et je vais essayer de vous montrer la façon dont je les emprunte à Weber, pour essayer de les retravailler aujourd'hui, les appliquant au cas singulier, celui du travail de danseur de ballet à l'Opéra de Paris. Donc aujourd'hui, surtout dans le champ d'où mon travail de recherche initiale s'inscrit, c'est-à-dire la sociologie des professions artistiques, alors on va s'éloigner un petit peu du postmodernisme, hein, je m'en excuse, les notions de vocation, d'ascèse, mais aussi de charisme, de plus en plus, ou ces autres formes, hein, que sont les notions de talent ou de don, sont très largement mobilisées. Pour autant, les usages qui en sont faits ne sont, à mon avis, pas toujours très pertinents, faute justement de bien saisir les outils que nous offrent ces notions. Donc je milite plutôt pour une réflexion sur ces notions plutôt que sur un usage tout azimut. Je vais essayer de vous expliquer la proposition que je vous fais et que j'ai fait en les travaillant. Alors commençons par la notion de vocation. On ne peut qu'être frappé par la force de diffusion dans l'univers académique de cette notion religieuse pour rendre compte d'engagement dans des pratiques profanes, hein, le plus souvent professionnelles. Et pourtant, ce déplacement de la notion religieuse au concept sociologique est un véritable travail de reconstruction, de traduction, pourrait-on dire. Les travaux, typiquement, de sociologie du sport, hein, mobilisent à tout va la question de la vocation, ce qui pose des questions. Alors, les travaux sur les professions artistiques ou sportives mobilisent d'abord très fréquemment la notion en qualifiant les professions de métiers de vocation, et ils s'inscrivent en général les travaux d'Eliot Freidson quand ils utilisent cette expression-là, et en particulier en langue française un article un peu ancien maintenant mais qui est très fortement cité, qui s'appelle « Les professions artistiques comme défi à l'analyse sociologique », peut-être que vous le connaissez déjà, qui a paru dans la revue française de sociologie en 1986. Le propos de Freidson dans cet article, c'est de dire, entre autres, qu'il existe toute une série de professions, de métiers pour lesquels les comportements au travail semblent échapper à la logique, et en particulier pour lui à la logique économique. Et ce qu'il appelle un travail de vocation se définit comme l'exact opposé de ce qu'il appelle lui-même un travail aliéné. Il définit le travail de vocation de la façon suivante, je le cite. « Ce qui est central dans la notion de travail de vocation, écrit-il, c'est l'idée que son exécution n'obéit pas au désir ou au besoin d'un gain matériel, Et il ajoute, d'une façon générale, il me semble qu'il faut souligner dans la définition de ce concept la disposition à accomplir une activité productive pour des raisons non économiques, disposition à répondre aux besoins des autres, à contribuer à la formation d'un capital scientifique ou autre, disposition à l'exercice même de l'activité pour elle-même, par passion, plutôt que par intérêt matériel. Alors, on voit bien que pour lui, il y a une opposition entre la notion de vocation et plus encore de travail de vocation et la logique économique qu'il prête aux travailleurs, la recherche de gains matériels. Je dois bien avouer que cette opposition me semble un peu forcée, c'est une façon légère de dire les choses. En même temps, j'ai peur qu'il y ait, dans les termes utilisés en français, un détournement du propos de Fridtjof. Alors, je voudrais excuser, en fait, déjà Elliot Fridtjof et mettre toute la charge sur leurs traducteurs, Jean-Claude Chamboredon et Pierre-Michel Maguer, qui, me semble-t-il, ont dû traduire, alors j'ai pas vu l'article en anglais, mais ont traduit, à mon avis, l'expression que Fridtjof utilise couramment en anglais, qui est « labor of love ». Alors, ils ont traduit « labor of love » par « travail de vocation », et je pense qu'il y avait des enjeux dans les travaux même de Pierre-Michel Maguer de faire ce type de biais de traduction, mais qui est un vrai problème. En fait, Fridtjof ne parle jamais de vocation dans son article. Il parle de passion. D'accord ? Il parle de disposition à l'exercice même de l'activité pour elle-même par passion plutôt que par intérêt matériel. Ça n'a rien à voir avec la vocation. Mais là, vous voyez déjà un premier problème qui apparaît avec ces notions. Donc je voudrais au contraire montrer que la vocation, ce n'est pas la même chose que la passion. On peut être passionné pour quelque chose sans pour autant entretenir un rapport vocationnel avec. La vocation s'impose presque comme une obligation, je vais y revenir, et j'y verrai davantage, pour la peine, une forme d'aliénation, pour reprendre le terme de Fridtjof, mais très subtile. C'est pas pour chipoter que je discute ce texte de Fridtjof. On pourrait me rétorquer que c'est facile d'attaquer des vieux qui sont loin et qui vont pas me sauter à la gorge. Mais non, il a vraiment été utilisé abondamment dans les professions artistiques. En même temps, peut-être que Pierre-Michel Maguer est dans la salle, je sais pas. Et en particulier pour l'étude de la profession de danseur. La profession de danseur apparaît effectivement comme un défi à l'analyse à partir du moment où on essaye de rendre compte de la logique de leur comportement, de leur engagement dans le travail. La passion, alors mobilisée, pour expliquer un comportement qui est jugé irrationnel. Dans un article sur la situation des danseurs au Canada, par exemple, son auteur écrit ceci, c'est pour vous donner un exemple du type d'analyse qui se veut sociologique, qui est proposé, qui dit ceci, « Comment peut-on accepter des conditions de vie de travail si difficiles, entraînement excessivement long et poussé, discipline quasi-monastique, souffrance et douleurs presque quotidiennes dues aux nombreuses blessures, des revenus qui souvent frôlent la misère, l'absence totale de sécurité d'emploi et de plan de retraite, alors que justement, cette retraite arrive si vite ?» C'est dans un article sociologique, vous remarquerez le côté dramatique quand même. Après avoir interviewé 80 danseurs et danseuses, l'argument scientifique, nous n'hésitons pas à répondre par passion. Genre, ces artistes sont des êtres passionnés, prêts à tout sacrifier pour vivre leur passion. Genre, voilà. Façon, comme dirait Norbert Elias, d'expliquer quelque chose d'inexpliqué par quelque chose d'inexplicable. C'est extrêmement pratique. Alors, le DEPS, le département d'études et prospectives du ministère de la Culture, a publié aussi, par exemple, il y a quelques années maintenant, un rapport sur la profession intitulé « Les danseurs, un métier d'engagement », dans lequel les auteurs, Janine Roanou et Ionella Roaric, mobilisent la passion comme explication de l'engagement des danseurs en faisant référence à l'article canadien et à Fridtjof. Il y a vraiment une espèce de logique de citationnelle pour la peine ici. Elles écrivent quelles peuvent être les motivations justifiant cette acceptation de la souffrance et du risque corporel ? Il faut recourir à d'autres registres d'interprétation et rappeler que les métiers artistiques sont avant tout des métiers de passion. D'accord ? Voilà. Alors, il y a aussi des psychologues qui écrivent que, en fait, les danseurs sont masochistes, en fait. C'est comme ça qu'on peut expliquer. C'est, en fait, c'est parce qu'ils aiment souffrir, et donc, ce serait pour ça qu'ils feraient ça. Il y a une espèce de tripotée de conneries qui est véhiculée là-dessus. Je pense que l'usage de la notion de vocation n'échappe pas souvent à ce type de problème. Donc, on voit... La passion, c'est la modalité d'explication, de justification d'un comportement dont il semble difficile de saisir la logique. C'est parce qu'ils aiment bien qu'ils le font. Genre, c'est quand même assez magique. Bon, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais vous comprendrez que ça me met un peu en colère. Un premier problème, donc, avec la notion de vocation, c'est donc de la confondre avec la passion et puis de jamais expliquer qu'est-ce qu'il en est et de faire comme si tout allait bien avec ça. Un autre problème est de définir la vocation comme un projet professionnel. C'est quelque chose qui est très répandu également. C'est la lecture, par exemple, qu'en fait Pierre-François dans un chapitre intitulé « La vocation musicale de l'illumination individuelle au processus collectif » qui est tiré d'un très bon ouvrage collectif de Didier Demazière et Charles Gadea qui s'appelle « Sociologie des groupes professionnels ». Alors, j'ai rien contre Pierre-François, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, j'apprécie beaucoup son travail. Mais il a pas beaucoup travaillé là-dessus, mais bon, il a écrit ça, donc, et c'est un bon exemple. Pierre-François insiste dedans, à juste titre, donc, sur la construction collective au travers des interactions sociales, de la vocation qu'il présente comme un processus. J'ai pris cet exemple, et en règle générale, on use de la notion de vocation pour parler des raisons de l'orientation vers la profession, surtout lorsque les chances effectives de percer sont très faibles. Et il reprend un peu un argument de Pierre-Michel Minguer, l'idée que l'irrationalité des acteurs, c'est de s'orienter dans un devenir professionnel pour lequel les chances de réussite sont extrêmement faibles, avec des carrières très sélectives. Donc là, l'idée serait de dire que, en fait, la vocation serait ici une forme de rhétorique des représentations subjectives qui cache en fait les logiques objectives sur ces orientations que l'analyse sociologique révélerait. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. L'idée, c'est qu'en gros, les gens se mentent avec la vocation, mais qu'au fond, ces représentations subjectives qui prennent une dimension d'une rhétorique mystique, en fait, eh bien, l'analyse sociologique va révéler, en fait, la réalité objective des carrières, mais donc ça serait non pas une illusion pour la peine, mais fondamentalement une illusion construiraient les personnes elles-mêmes. Pierre-François postule que l'analyse sociologique va justement avoir comme objectif de révéler la réalité derrière l'illusion de la vocation. Cet exemple synthétise bien une approche de la vocation artistique assez répandue qui voit surtout la formulation d'un choix, ce que fait aussi une autre sociologue, que j'apprécie aussi par ailleurs, qui s'appelle Hyacinthe Ravet, dans un article sur la vocation de musicienne clarinettiste, qui glisse au fil de l'article de la notion de vocation vers la notion de choix, choix d'instrument, choix professionnel. Ou choix d'orientation à l'aide, donc, encore une fois, d'une rhétorique vocationnelle. Je saute un peu, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on voit ce que le sociologue a à gagner à la mise en scène d'un dévoilement mystique par l'analyse sociologique. Et on fait comme si on construit qu'il y aurait une rhétorique mystique et que l'analyse sociologique va la dévoiler. Mais je pense que c'est pas très honnête. Je pense que c'est forcer les choses. Cette conception de la vocation soulève aussi des interrogations de la part des chercheurs. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un sociologue qui s'appelle Frédéric Razera, qui a travaillé sur le football beaucoup, et qui me disait qu'aucun de ses enquêtés ne parle de vocation, et qu'il ne mobilise pas une rhétorique ou une justification de leur trajectoire à l'aide d'un vocable vocationnel. Et donc il me dit, pour moi, ce concept n'a aucune pertinence sur mon terrain. Et le problème de ces approches est finalement, à mon avis, de ne pas bien saisir la complexité de la notion et la façon dont il faut la travailler lorsqu'on la traduit, justement, pour un nouveau terrain. Et je voudrais donc vous exposer la façon dont j'ai proposé de mobiliser cette notion et ce que cela m'a permis de saisir et de comprendre. Alors, comme on fait tous notre promotion pour nos livres, pendant que j'y suis, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « Entrer dans la danse », et je ne sais plus c'est quoi le sous-titre, « L'envers du ballet de l'Opéra de Paris ». Ils n'ont pas venu avec vos livres, c'est ça qui est... Non. Il est épuisé, le tien, je pense. Le mien ? Oui. Oh, je crois pas. Largement. Non, quand même pas, faut pas déconner. Mais dont est tiré, qui provient de ma thèse, et dont est tiré l'analyse que je vous propose ici. Je ne sais pas trop comment prendre votre remarque, en fait. C'était du second degré, justement. D'accord. C'est du second degré. Alors, comment j'ai mobilisé cette recherche ? Bref, de montrer ce que gagne l'analyse sociologique à faire travailler le concept. Voilà ce que je voudrais vous montrer. Mon travail doit beaucoup... j'emprunte beaucoup à la sociologie de Max Weber, donc vous allez le voir. Et j'emprunte aussi beaucoup à la sociologie de Charles Suau, qui est à côté de moi, et en particulier du travail sur la vocation sacerdotale, le premier travail. J'aimerais montrer que la vocation donc, n'est pas seulement une modalité de justification d'un devenir, c'est-à-dire pas seulement une justification de l'orientation vers la profession, mais aussi une modalité de justification de l'orientation et de l'engagement dans le travail, et c'est pas la même chose. Autrement dit, la vocation ne donne pas seulement sens à une entrée dans la profession, mais à l'exercice du travail lui-même. C'est un processus de rationalisation. Donc je voudrais montrer que la vocation est une rationalisation, et une rationalisation qui s'ancre dans les corps, car la vocation a à voir avec un être et non pas un projet futur. J'aimerais vous montrer aussi, en faisant explicitement référence à Weber, que l'on peut penser la vocation comme une rationalisation de l'engagement au travail, comme un beruf, c'est-à-dire une éthique de travail intensif, et je vais essayer de vous montrer comment l'intériorisation d'un rapport vocationnel s'accompagne d'une morale de travail intensif, dans le cas des danseurs, et donc qu'on observe une forme contemporaine de beruf. On verra qu'on est très loin, par exemple, de l'opposition entre inspiration ou génie d'un côté et travail de l'autre, que porte le mythe artiste. La vocation n'est pas non plus quelque chose de figé, elle se travaille au fil du temps et de la carrière pour reconstruire ou réaménager le sens que les danseurs et danseuses donnent à leur engagement, surtout lorsque celui-ci affronte la réalité du travail et de la carrière. Et là, nous verrons qu'il s'agit donc pas seulement de rendre raison d'un devenir, mais plus largement d'un être. Alors, il me reste combien de temps ? Il me reste combien de temps, Sylvain ? Il reste 15 minutes. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Non, pardon, 25 minutes. Ah, on est mieux. On est bien. S'il est fondamental de mettre l'accent sur la construction processuelle de la vocation, comme le fait Pierre François, je crois qu'il ne faut pas oublier que les individus ne sont pas non plus en apesanteur sociale, et que les dispositions à adhérer à la croyance en la vocation de danseur sont socialement déterminées. Vous imaginez bien que ce ne sont pas les mêmes milieux sociaux qui vont développer une vocation de footballeur et une vocation de danseur, par exemple. Et j'entends ici, là, pour la peine, vocation comme orientation vers un devenir professionnel. D'accord ? On est bien d'accord. Dans les deux cas, on retrouve pourtant le modèle qu'a mis au jour mon voisin de gauche à propos de la vocation sacerdotale, c'est-à-dire un processus d'inculcation de la vocation par des agents légitimes qui impose l'orientation en la fondant sur le modèle de la mystique. Le petit séminariste est appelé par Dieu au sacerdoce, comme l'apprenti danseur ou l'apprenti footballeur est appelé, ou l'apprenti athlète, est appelé par la nature, par des dons qu'il est censé posséder et qui s'inscrivent d'abord dans son corps. Ce sont les prêtres qui, par une pédagogie subtile, amènent de jeunes garçons à se percevoir comme de futurs prêtres, à lire en eux les signes de l'appel, de sorte que les enfants viennent à se percevoir comme réellement appelés au sacerdoce, à concevoir leur identité, leur être, comme intrinsèquement attaché au sacerdoce. De la même façon, on trouve aussi bien dans la danse que, par exemple, dans d'autres activités sportives, donc je pense aux travaux de Julien Bertrand sur le foot, de Manuel Chauté sur les athlètes, par exemple, des agents qui viennent voir les enfants et leurs parents pour leur signifier, reconnaître en eux les signes qui les prédestinent à l'activité professionnelle. Dans le cas des danseurs, ce sont les professeurs de danse, mais aussi souvent des danseurs ou d'anciens danseurs de l'opéra qui signifient aux enfants qu'ils possèdent des dispositions à la profession, et d'abord des dispositions physiques. Ils sont faits pour être danseurs parce qu'ils ont le corps pour être danseurs ou danseuses. Autrement dit, l'orientation est présentée comme une forme d'appel de la nature. L'idée que ça a toujours été en vous et que vous devez y répondre. En fait, il y a l'idée de, un peu comme dans Noblesse oblige, que le don oblige. Avec l'idée, très clairement, les professeurs qui disent votre enfant, il dit ça aux parents, votre enfant, avec les qualités qu'il a, il doit aller à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et c'est de votre devoir de faire en sorte qu'il y arrive. Et souvent, les parents sont désarmés par rapport à ça. On est dans une situation, on est très très éloigné, par exemple, des violonistes virtuoses étudiés par Isabella Wagner, qui montrent qu'en fait, la trajectoire de virtuose est une trajectoire qui est initiée par les parents. Et que souvent, les parents, du coup, sont des musiciens. Et que c'est nécessaire pour qu'ils connaissent les bons cours de musique, où les placer, le bon luthier, où acheter l'instrument, etc. etc. et qui les font d'ailleurs débuter souvent la pratique musicale, le violon, dès 3 ans. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Les danseurs professionnels ne sont pas des enfants de danseurs. C'est une autre question. Donc c'est vraiment, on retrouve ce modèle d'agent de l'institution qui distribue des signes devant amener les enfants et leurs parents à recoder les perceptions corporelles comme un appel à la profession. C'est quand même assez particulier, et là, en l'occurrence, les autres travaux dont je vous ai parlé tout à l'heure évincent totalement cette question-là. Alors, les enfants n'acceptent pas pour autant tout de suite une telle conversion de la passion pour une activité en vocation. Vous voyez, souvent, les enfants, ils aiment la danse, ils en pensent plein, mais c'est pas pour ça qu'ils ont envie d'être danseurs. Je veux dire, un enfant à 7 ans, l'idée de la profession, il se la pose pas. Je veux dire, et donc, il faut qu'il se la pose. Et il y a tout un travail, par exemple, les professeurs donnent, alors à l'époque, ils donnaient des DVD ou des films documentaires sur l'Opéra de Paris pour que les enfants puissent se projeter à l'école de l'Opéra, pour susciter le désir, Et donc il y a toute une série comme ça, parce que souvent les enfants, leur professeur leur dit « ça ne te tenterait pas d'aller à l'Opéra de Paris ?» Enfin, il dit « bah non, moi j'ai pas envie de quitter ma famille, mes frères, partir en internat à Paris, non, j'ai pas envie. » Et il y a tout un travail continu, hein, qui n'est pas un travail qui n'a rien d'évident, il ne faut pas croire ça. Mais de telle sorte qu'à un moment donné, l'orientation va... tout va être fait pour que l'orientation soit perçue comme un désir personnel de l'enfant qui à un moment donné va dire « oh bah allez, pourquoi pas ?» Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors, il y a une sélection sociale très forte à l'opéra. Hein, ce sont à 73%, les pères sont soit cadres, soit chefs d'entreprise. Et parmi les chefs d'entreprise, ce n'est pas des petits artisans et ce n'est pas des plombiers. Voilà, donc c'est plutôt... c'est extrêmement ségrégué. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important. J'en parlerai pas ici, mais si vous voulez, on en reparlera. Ça n'a pas toujours été le cas, tout simplement parce que jusqu'au début du XXe siècle, c'était un placement plutôt de classe populaire, hein, de petite classe populaire parisienne. Et donc il y a un véritable retournement du recrutement social de la profession. Donc il ne faut pas croire que ça va de soi. Comment on explique cette sélection sociale ? Bien, parce que, en fait, on retrouve chez ses parents des dispositions sociales à adhérer à la culture légitime et à voir en l'opéra une élite artistique distinguée et à laquelle il est désirable d'appartenir. D'accord ? Et concrètement, les parents qui mettent leurs enfants au centre de formation de football, il est peu probable qu'ils voient en l'Opéra de Paris une élite artistique et distinguée à laquelle on souhaite appartenir. Voilà, donc il y a réellement effectivement une forme de recrutement social. Mais c'est une orientation qui est attachée intimement à la définition de soi, à son être, et d'où l'ancrage corporel des signes de la vocation. Et le propre de la vocation, c'est de s'imposer comme une obligation. Et il faut que l'enfant cherche, en tout cas, voit en devoir de devoir répondre à l'appel du don, de s'engager dans la profession. Les choses sont différentes pour les filles et les garçons, je ne vais pas détailler. Oui, excusez-moi, je suis tellement surprise, vous ne parlez pas des mères ? Des mères ? Oui, tu avais parlé de la profession du père, quid des mères ? Oui, je peux en parler, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous écoute, et savoir sur quelle période, justement, c'est sur 20 ans là, ou c'est sur... J'ai fait une photographie en 2010. Les mères sont un petit peu moins majoritairement que les pères. J'ai plus exactement les chiffres en tête. Mais si je me souviens bien, il y a au moins 50% des mères qui sont cadres. Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme, puisque je crois que pour la population féminine... Alors j'ai plus exactement en tête, mais je crois que c'est 15% peut-être de la population active féminine qui doit être cadre. D'accord ? Il y a un clivage. Il y a un clivage entre les mères et les pères. Les mères occupent beaucoup plus souvent des professions, certes de cadre, mais dans le secteur culturel, alors que les pères, beaucoup plus ingénieurs, médecins, donc ont plutôt un capital économique. Ce n'est pas exactement les mêmes positions. C'est intéressant d'ouvrir la catégorie des cadres, de recoder les professions pour voir qu'il y a une différenciation très forte. Et en gros, le profil type, on pourrait dire, c'est un enfant dont le père... à une position, une haute position avec du capital économique, et du côté de la mère, une haute position avec du capital culturel. Merci. Je vous en prie. Tout l'enjeu de la vocation est de faire reposer cette orientation sur un engagement vécu comme libre et volontaire par les enfants. Et l'inscription corporelle est fort là-dessus. Je voudrais revenir sur un deuxième point maintenant. Le fait que la vocation ne sert pas seulement à ça. Voilà, et ne voir la vocation que du côté l'orientation vers la profession, c'est vraiment être un peu paresseux. Elle permet également de susciter des engagements considérables dans le travail. C'est-à-dire qu'une fois entrés à l'école de l'opéra, et ensuite lorsqu'ils sont recrutés dans la compagnie, les danseurs et danseuses se trouvent dans une position très particulière. D'un côté, l'opéra nourrit une vocation de danseur en distribuant régulièrement des signes de confirmation de la possibilité de pouvoir réaliser la vocation. C'est-à-dire, si vous êtes à l'Opéra de Paris, vous rentrez à l'école de l'Opéra de Paris, par exemple, vous allez faire le défilé de l'Opéra de Paris tous les ans. Si jamais vous avez l'occasion, allez-y. En général, c'est une manifestation, un rite d'institution où l'Opéra se met en scène au début de la saison, où vous allez voir un défilé militaire. voilà, c'est un défi militaire sur la marche des Troyens de Berlioz. C'est très drôle puisque la marche des Troyens de Berlioz, c'est la marche qui accompagne le moment où justement les Troyens ramènent le cheval de Troie dans la ville de Troie, donc qui va précipiter la chute de l'institut de la ville. Bon, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Du premier enfant, du plus jeune enfant de l'école de danse jusqu'au dernier danseur étoile, le ballet défile. Par division, par âge, par catégorie, c'est hyper organisé, c'est hyper normé, d'accord ? C'est un défilé militaire. Bon. Avant, c'était sur une musique de Wagner, et puis en fait, après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient emmerdés, donc ils ont cherché autre chose, et du coup, ils étaient contents, ils ont trouvé Berlioz. Bref, je ferme la parenthèse. Excusez-moi pour ce petit intermède musical. Donc, si vous voulez, distribuer des signes sans cesse que même quand on est enfant, même quand on est à l'école de l'opéra, on est voué à devenir danseur, mais en fait, tous les ans, vous pouvez être exclu de l'école. D'accord ? Et très très peu d'enfants qui rentrent à 8 ans arrivent en dernière année, et encore moins, en fait. C'est un système, si vous voulez, où tous les ans, il y a un concours à l'école de danse, et tous les ans, il y en a qui partent, il y en a qui rentrent, il y en a qui redoublent. Alors les Russes, ils font différemment. Les Russes, ils vont prendre 100 enfants à 8 ans, et puis ils éliminent chaque année. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Et puis à la fin, ils en ont 3-4, et hop, ils rentrent au Bolchoï. D'accord ? Ils fonctionnent autrement. Nous, on a des nouveaux entrants et des sortants tout le temps. C'est un autre type de fonctionnement. Et donc, si vous voulez, les danseurs, les élèves sont comme ça dans une situation d'incertitude radicale sur les chances effectives de réaliser leur vocation. Ah, on leur dit, ah, vous faites partie des élus, mais en fait, vous êtes de la merde parmi les élus. C'est pas gagné. Vous voyez, c'est une espèce de tension très forte entre un principe très très électif. Vous êtes à l'Opéra de Paris, vous allez aller danser sur les scènes, même en tant qu'enfant, à New York, en Australie, etc. Vous allez sur la scène du Palais Garnier, etc. Et en même temps, c'est pas garanti que vous y restiez. Et ce système-là, en fait, est un système aussi qui est très utilisé pour le travail de conformation du corps, qui est un enjeu fondamental dans le travail de danseur, puisque les compagnies de ballet classique, en fait, se définissent par un style qui est aussi un style esthétique, corporel. Les danseurs français, par exemple, se définissent par une certaine construction des lignes des jambes. Les danseuses russes ont des ports de bras infinis, etc. Donc il y a des normes corporelles extrêmement précises. Et pour entrer à l'Opéra de Paris, à l'école de danse, il faut d'abord, par exemple, passer, rentrer dans des cases en termes d'intervalle de poids et d'intervalle de taille. Alors, si vous êtes trop petit, vous n'avez pas rentré. Si vous êtes trop maigre, vous n'avez pas rentré. Si vous êtes trop grand, vous n'avez pas rentré non plus, etc. Et si vous sortez de cet intervalle-là, vous sortez de l'école. Le travail de conformation du corps repose justement sur un engagement des élèves qui joue sur cette tension entre vous faites partie des élus et vous en faites pas partie. On dit, vous voulez devenir danseur, eh bien, il faut allonger votre buste, il faut étirer votre cou, il faut que vous allongiez vos jambes, il faut que vous enleviez les seins, etc., etc. D'accord ? Il y a tout un travail, et qui est un travail dans lequel les enfants sont engagés, et au contraire, si vous arrivez à cette transformation-là, si vous réussissez à tenir cette transformation-là, eh bien c'est autant de signes de confirmation que vous êtes bien voué à devenir danseur. D'accord ? Donc le corps est pris comme un enjeu ici, un enjeu signifiant de reconnaissance de la vocation. Mais c'est encore cette même instrumentalisation de la vocation par l'institution qu'on retrouve chez les danseurs une fois dans la compagnie. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes recruté, eh bien, vous ne dansez pas. C'est aussi étonnant que cela puisse paraître. Une fois que vous rentrez à l'Opéra de Paris, vous êtes remplaçant des derniers rangs de la dernière fille qui est au fond, à gauche, dans le lac des Cygnes et qui tient une posture statique. D'accord ? Donc, il faut réussir à gagner sa place. Et si vous voulez, être danseur, la vocation de danseur, s'exprime comme une vocation de soliste. Ce que veulent les enfants, quand ils nourrissent, en tout cas, et ce qu'on leur vend, c'est de danser seul en scène. Il n'y a rien de pire pour un danseur que le corps de ballet. Or, quand ils rentrent dans le corps de ballet, voire ils rentrent comme remplaçant du corps de ballet. Et donc, si vous voulez, la compagnie continue sans cesse à travailler cette instrumentalisation, ce que moi j'appelle une instrumentalisation de la vocation, c'est-à-dire, à la fois, vous faites partie des élus, vous venez de rentrer à l'Opéra de Paris, en même temps, rien n'est gagné. Et vous devez faire votre preuve. Et ce ressort entre une incertitude radicale et la possibilité d'obtenir des signes de confirmation de la vocation, c'est exactement ce que montre Max Weber au sujet du Beruf. Et c'est exactement ce que l'on retrouve comme mécanisme d'engagement dans le travail à l'Opéra de Paris. Donc voilà une façon de montrer comment la vocation au travail comme modalité de rationalisation et la place que prend et le corps, d'une certaine façon, et l'institution dedans. Je vais sauter quelques parties parce que j'aimerais vous parler du charisme. Alors, je pense que il y a quelque chose de très lié avec la façon dont on peut travailler sociologiquement la notion de charisme. L'idée, de la même façon, c'est de ne pas prendre pour argent comptant la question du charisme, pas prendre le charisme comme une propriété attachée à une personne, mais comme un rapport de domination qui est fondé sur la croyance en des propriétés personnelles extraordinaires. Et là où il y a quelque chose qui se joue, qui est du même ordre qu'avec la vocation, c'est à la fois le fait que cette croyance a à voir avec un ancrage corporel, d'une part, et d'autre part, que le charisme a à voir fondamentalement avec des institutions puissantes pour justement être capable de tenir de telles croyances, en tout cas de faire tenir de telles croyances. Mon point est de montrer que l'exemple des danseurs et des danseuses étoiles offre en particulier, donc je vais vous montrer comment j'ai travaillé cette notion-là sur ce terrain-là. Donc, ma question, c'est comment on devient étoile de l'Opéra de Paris et de voir le devenir d'étoile comme la construction d'une domination charismatique. Et on a un paradoxe qui est très intéressant. L'étoile est, par définition, celui ou celle qui est reconnue en tant que telle pour des compétences personnelles. Alors, je cite même Weber, « des dons spécifiques du corps et de l'esprit pensés comme surnaturels, au sens où ils n'étaient pas accessibles à tout un chacun. » Effectivement, l'étoile est d'abord reconnue comme un être exceptionnel, capable, plus que les autres danseurs et danseuses de la compagnie, de transcender les limites corporelles. Bref, celui qui est largement au-dessus du lot est capable de performances hors du commun, ou alors on va dire qu'il attire la lumière, etc. Bon. Après, je pourrais vous expliquer, si vous voulez, comment on fait avec les éclairages pour attirer la lumière. En ce sens, tout est fait pour que la consécration d'étoiles soit perçue comme une consécration charismatique, qui n'est due qu'aux caractéristiques personnelles du porteur de ces dons supposés. Autrement dit, la consécration est la reconnaissance, aux yeux de tous, de la possession des dons personnels exceptionnels chez tel danseur ou telle danseuse. En même temps, cette reconnaissance est loin de la forme de la révélation auprès des fidèles, comme pour le type pur de la domination charismatique. Bien au contraire, c'est l'institution, en l'occurrence l'Opéra de Paris, qui produit la domination des étoiles, tout en faisant passer cette supériorité comme charismatique alors qu'elle relève du pouvoir de l'institution. J'en viens. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes, que de faire passer une position institutionnelle conférée à certains danseurs, on est nommé étoile par la direction de l'opéra, pour une domination charismatique. L'institution, qui selon Weber est, on pourrait dire, à l'opposé de la domination charismatique, hein, dans son modèle idéal typique, se trouve ici au fondement de la croyance charismatique, façon de faire méconnaître l'arbitraire des jugements de l'institution et les mécanismes sociaux à l'œuvre derrière ces trajectoires d'étoiles. Et je pense que c'est comme ça, réellement, qu'il faut réussir à faire travailler cette notion de charisme. Alors, pour saisir le fonctionnement de ce type de consécration, je propose de prendre comme objet la façon dont se construit la croyance charismatique en la supériorité personnelle des étoiles et le rôle de l'Opéra de Paris comme institution dans la construction de cette croyance. Et je vous propose que l'on parte de la fin et qu'on remonte ensuite la piste à l'envers, à la façon un peu d'une enquête policière, parce que je ne vois pas pourquoi la sociologie, ce serait chiant. La fin, c'est comment formellement on devient étoile. Alors, on devient à proprement parler étoile lorsqu'à la fin d'une représentation publique, le directeur de l'Opéra de Paris vient sur scène et annonce qu'il nomme étoile du ballet de l'Opéra de Paris, tel danseur ou telle danseuse. Et comme je vais faire une économie de mots, je vais vous montrer comment ça marche. Ça, je vais avoir besoin du vidéo. Est-ce qu'on a du son avec ça ou pas? Non, on n'a pas de oui, son. Oui, il y a un ça, câble. Il faut brancher par contre. Ouais. Il y a un petit fil avec un truc rond. où est-ce que vous voyez? Il doit être branché sur le fixe pour l'instant. Sinon, c'est pas très grave, hein. On n'est pas très nombreux. Ouais. Ok, c'est pas sinon, grave. Sinon, c'est le HDMI qui apporte tout. Si, mais je sais pas si ça marche avec HDMI. Ah, ouais, on va voir. On va dire qu'on va le prendre. Tac. HDMI. Tac. Est-ce que le miracle de la technologie. Tu appuies sur On Display. Oui. C'est quoi On Display? Sur la touche, ouais, normalement, là, il y a une. Peut-être qu'il faut débrancher et rebrancher. Mais pas, c'est... Mm-hmm. Non, j'aurais dit plutôt sur l'ordinateur. Ah, là, c'est bon. Okay. Ah, bah non, il n'y a pas de son. C'est juste qu'il y en a pas. Tu vas essayer. Ah, c'est le son. Si vous l'entendez ? Ouais, ouais, on entend. Là, vous voyez une étoile qui naît. Vous l'entendez ? Mmh. Je laisse un peu, mais il faut que vous compreniez un peu. Je veux dire, le temps est important. Il se passe des trucs, en fait. Ça n'arrête pas. Bon, je vais arrêter parce que je vais me faire parce que je ne vais pas avoir assez de temps. Mais ça continue encore longtemps. Ça, c'est une vidéo officielle de l'Opéra de Paris. Donc voilà, vous pouvez prendre ça comme un élément direct. Alors, en gros, comment on devient étoile? Vous venez d'assister à la naissance d'une étoile. Eh bien, à la fin du spectacle, le rideau se baisse une dernière fois. Le public pense que la représentation est terminée. En fait, le rideau se relève. Le public, souvent, est en train de marcher, en train de sortir, etc. etc. Le directeur de l'Opéra, comme vous avez vu, est à côté et il nomme un danseur étoile, qui normalement n'est pas au courant, qui est nommé, officiellement, personne n'est au courant dans la compagnie. Évidemment, officieusement, c'est tout autre. Le directeur fait cet acte de nomination qui change radicalement le danseur qui passe au statut d'étoile. Donc, un acte de nomination qui a toutes les caractéristiques d'un rite d'institution, hein, on est d'accord, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. D'abord, c'est une mise en scène de l'institution, hein, l'opéra se met en scène en tant qu'institution et assure par là le prestige de l'institution. Et d'ailleurs, très important que l'animation soit publique, ce n'est pas un hasard. Au théâtre du Capitole à Toulouse, ils ont essayé de vouloir nommer des étoiles, mais ils ne le font pas en public, ils n'ont rien compris. Hein. Pourtant, Kader Bellarbi, il est passé par là. Mais bon, il est d'ailleurs très important, donc je dis, que ce soit public. Surtout, c'est l'institution, au travers du directeur, qui reprend en fait les mots précisément fixés dans la convention collective qui fait naître le danseur étoile. Et donc, il change radicalement le danseur. Pour vous donner une idée, Jérémy Bellingard, au lendemain de sa nomination, il est interviewé au journal télévisé de France 2, et la journaliste lui demande qu'est-ce que le titre change. Il répond très justement que cela change rien, et que cela change tout, que ça change rien sur son travail, sa façon de danser, que ça change tout sur le regard qu'on lui porte, et le fait qu'il est invité, par exemple, au journal télévisé. Il a tout compris, en fait, Jérémy Bellingard. Il est malin. Cette mise en scène a un effet véritable sur le public. En salle, le public jubile d'avoir pu assister à une telle scène, les applaudissements sont extrêmement nourris, les discussions ne cessent pas ensuite entre les gens sur la qualité de la performance de la nouvelle étoile, sur le bien fondé de la nomination, même si ce soir-là, le danseur n'a pas très bien, ou la danseuse n'a pas très bien dansé, hein, c'est pas la question. En fait, on pourrait même dire que le danseur n'est pas devenu étoile parce qu'il a bien dansé, mais qu'il a bien dansé parce qu'il est devenu étoile. Tout se passe comme si, pour le public, la nomination d'étoile marque la reconnaissance de qualités exceptionnelles qu'ils auraient éprouvées eux-mêmes lors du spectacle, alors que c'est l'acte de nomination d'étoile qui, ex post, fait passer pour exceptionnelle la performance qu'ils viennent d'assister. Mais pour que la nomination soit reconnue comme charismatique, c'est-à-dire comme le résultat de dons personnels, il faut que la fiction qu'il a fait passer pour telle soit effective aux yeux de tous. Alors, derrière cet acte de reconnaissance charismatique, derrière ce moment de rupture hein, qui est la nomination et qui fixe irrémédiablement un avant et un après, se situe en fait tout un travail de long terme pour que la reconnaissance opère, pour que la légitimité de la consécration comme consécration charismatique se réalise pour le public, mais aussi et surtout au sein de l'opéra, auprès des autres danseurs et danseuses de la compagnie et auprès de celles et ceux qui reçoivent le sacrement également. Autrement dit, pour que la magie de la nomination opère, il faut tout un travail d'inculcation de la croyance en la supériorité charismatique. Et il y a justement à l'Opéra de Paris un dispositif qui sert véritablement à construire la croyance selon laquelle la hiérarchie des danseurs est une hiérarchie des talents, c'est le concours de promotion interne. C'est-à-dire que tous les ans, les danseurs passent un concours sur la scène du Palais Garnier, si vous êtes recruté, vous êtes recruté quadrille, tout en bas, vous passez le concours, vous pouvez devenir coryphée, si vous passez le concours, vous pouvez devenir sujet, si vous passez le concours, vous pouvez devenir premier danseur, et ensuite vous avez le droit d'être nommé étoile. D'accord ? Et vous ne pouvez vous présenter que dans la catégorie du dessus, et tous les quadrilles vont passer donc tous les ans le concours, et c'est un concours qui se donne toutes les apparences, si vous voulez, d'une sélection objective. Les candidats passent au même moment, dans les mêmes conditions, accompagnés par le même pianiste, avec le même costume, sur les mêmes variations. D'accord ? Et le concours est public, sur un spectacle d'invité, mais il est public. Donc, vous voyez, il y a une espèce de garantie qui est construite sur l'idée que bah, tous les candidats de chaque classe passent la même épreuve, dans les mêmes conditions. Et alors, il y a même un jury qui est à composition, à parité entre membres de la direction et membres des danseurs de la compagnie, avec l'idée que comme ça, il n'y a pas d'arbitraire de la direction. Et tout le monde peut le voir. Tout le monde peut voir les performances des uns et des autres. Avec l'idée aussi que... Alors, excusez-moi, je vais revenir sur une chose un peu importante. Le concours, là pour revenir un peu sur une propriété de la sociologie de Max Weber, le concours a toutes les formes en fait, d'un dispositif d'évaluation de type légal-rationnel. On a un examen, en fait, qu'un examen de charisme. Ce qui est quand même très très étonnant. C'est-à-dire, en fait, on a là quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal type de la bureaucratie, comme on pouvait le voir dans les concours de la fonction publique ou dans la Chine mandarinale, par exemple. Mais pour classer les talents évalués par des performances charismatiques ici, hein, les danseurs sont évalués uniquement sur des variations de solistes prises dans le répertoire de la compagnie. Bref, tout se passe comme si chaque année, seulement les meilleurs sont effectivement promus dans la catégorie supérieure, ceux qui ont montré le plus de compétences de solistes et légitimement par là la position de chacun dans la compagnie. Imaginez ça dans le milieu académique, ce serait drôle. Alors, les entretiens confirment une telle efficacité symbolique. Il est d'ailleurs très rare que les danseurs remettent en cause une promotion ou une absence de promotion, même si celle-ci était attendue. Et surtout, aux yeux des danseurs et des danseuses, la répétition annuelle du concours, le fait que tous les ans, on repasse le concours, assure une forme, ça assure le fait que si la promotion était attendue, elle devrait se réaliser, si vous voulez. L'idée que, comme me le dit un enquêté, ça peut être injuste parce que tu peux ne pas être performant sur un concours, mais bon, t'en as un prochain qui arrive, il y a un côté très... je pense que la sélection se fait naturellement. Quand tu as des gens qui sont compétents, ils sont compétents. S'ils ont un talent, ils ont un talent. Il y a un autre maître de ballet qui disait, à terme, avec le concours, il n'y aura pas d'injustice. Et voilà, si vraiment c'était votre vocation de devenir soliste, bah, vous pouvez rater un concours, mais vous ne pouvez pas en rater 10. Voilà. Bon. Hop, je passe. Ça fait plus de 40 minutes, me dit-on. C'est dommage. Alors, il y a une chose que je vais essayer de vous montrer alors en 3 minutes. D'accord ? 3 minutes. Je voudrais vous montrer le fait que derrière ce type de rituel, on pourrait se limiter à ça. Mais en fait, il faut regarder qu'est-ce qu'il se joue sur la façon dont on apprend à être soliste aussi. Tiens, est-ce qu'il y aurait un apprentissage du charisme ? C'est une vraie question que travaille Weber. On a fait une session d'un autre séminaire, c'est pas le même type de séminaire, sur la question du charisme chez Weber et sur la question de l'apprentissage et la question du charisme gentiliste et du charisme héréditaire, en fait, qui sont vraiment les formes les plus travaillées par Weber et qui sont des formes très limites du charisme. C'est-à-dire le charisme qui est hérité par la lignée. Et le fait qu'il y a des écoles aussi qui visent à activer des dispositions charismatiques. Alors, à partir de deux études de cas, ou une étude de cas, je vais en mettre qu'une seule, la trajectoire d'une danseuse étoile s'appelle Catherine. Je vais l'appeler Catherine. Catherine a été nommée étoile dans les années 80. Comme la plupart des danseuses et des danseurs, elle connaît un déclassement en fait quand elle rentre dans la compagnie, c'est-à-dire qu'elle rentre, elle est dernière du corps de ballet, c'est très difficile, elle galère. Et quand elle passe le concours, à chaque fois elle se plante. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a un très grand chorégraphe qui vient à l'opéra et qui la repère et qui lui propose un rôle. La direction n'est pas d'accord, mais le chorégraphe en question, il s'appelle Serge Liffard, il a dirigé l'opéra de Paris pendant 5 ans, 40 ans, et donc la direction, elle ne peut rien dire, quoi. Et donc il réussit à l'imposer jusqu'à l'imposer à la première représentation, ce qui n'était pas prévu. Et donc, elle se retrouve comme ça, mise sous le feu des projecteurs. Et donc, elle imagine qu'au concours suivant, elle va passer. Et donc, elle passe son concours. Elle est toujours quadrille. Hein, donc, elle passe le concours et paf, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un des danseurs étoiles qui est dans le jury qui décide de la prendre en main. Décide de la prendre en main, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il décide de la coacher réellement, comme on dirait aujourd'hui. Mais plus concrètement, c'est quelqu'un, comme tous les danseurs étoiles, qui font des carrières aussi de solistes à l'international. Donc il l'emmène avec elle pour danser en Amérique latine, au Japon, aux États-Unis, et elle apprend tous les rôles de soliste avec lui. Et il va lui apprendre comment faire pour danser en soliste et comment faire pour passer un concours et réussir le concours. Je vous montre quelques extraits pour que vous saisissiez ça. Elle dit ça, elle dit comment elle a appris à danser comme une étoile bien avant de le devenir. Quand j'ai dansé mon premier Gisèle, me dit-elle, j'étais pas étoile à l'époque. Attilio m'a préparé. Et quand j'étais un peu avancé dans mon travail, il a fait venir Serge Liffard pour me faire travailler Gisèle. J'ai travaillé mon premier Gisèle avec Serge Liffard. Dans son travail, il ne faisait pas travailler tout ce que je travaillais avec Attilio, c'est-à-dire technique, tout ça. De toute façon, je la balançais techniquement, je faisais tout. Ce que Liffard me disait, c'était des choses scéniques. Par exemple, quand elle est comme ça, Gisèle, elle me montre, il me disait, non, pas comme ça, avancez le cou, parce que là, sinon là-bas, on ne voit pas. Quand vous faites un mouvement, tous les petits trucs qui finissent et qui font que Gisèle, je n'imaginais pas le travail qu'il y avait à faire là-dedans, parce que Gisèle, techniquement, il n'y a pas grand-chose. Il m'a appris la manière de faire, ce qui va faire une étoile. Voilà ce que m'a appris Liffard. Vous voyez, il y a un arbitraire, il y a un apprentissage, on pourrait dire, de la performance charismatique. Cette trajectoire apparaît donc, moi, comme le don, le talent, qui serait possédé de façon innée, comme le suggéraient ceux qui parlaient du concours tout à l'heure, que de l'investissement sur soi de danseurs ou d'anciens danseurs influents et expérimentés. Et pourtant, cette danseuse-là, lorsque, pour ceux qui connaissent un peu le ballet, lorsque Rudolf Nureyev a été nommé à la direction du ballet, il a considéré que c'était une mauvaise danseuse. Elle n'a pas dansé pendant 6 ans dans la compagnie. Elle n'a pas dansé une seule fois sur la scène du Palais Garnier pendant 6 ans. Parce que Rudolf Nureyev considérait que ce n'était pas une bonne danseuse. Donc vous voyez le rôle de l'arbitraire qu'il y a dans ces institutions, et là où Rudolf Nureyev pouvait prendre un rôle d'institution et dire non, vous n'êtes pas une étoile. D'accord ? Donc je voudrais que ce soit bien clair que je ne suis pas en train d'être dans un cadre minguérien qui serait de dire, au fond, il y a des petites différences de talent et que tel danseur a vu une différence de talent sur telle danseuse et que du coup, il y a un appariement des talents et que l'appariement des talents fait des grosses différences de carrière. Ce n'est pas du tout ça. Là, il y a bien un jugement et il y a bien un apprentissage qui est fait et ce jugement est un arbitraire, mais il est fait de telle sorte qu'il soit reconnu comme légitime, comme une domination charismatique. Je vais m'arrêter ici, c'est un peu dommage, mais je vais juste en conclusion. Essayer de montrer... Qu'est-ce que j'ai essayé de vous montrer avec les usages de ces deux notions-là, charisme et vocation, au fond? Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que ces notions-là sont des notions qu'il convient de ne pas prendre pour argent comptant ou de faire comme si elles allaient de soi. C'est-à-dire, on a tendance à utiliser, par exemple, la notion de vocation. La notion de charisme s'utilise un peu moins, on utilise plutôt la notion de talent ou de don, un peu comme si ça allait de soi, là où, en fait... Ce que nous oblige à faire et ce que nous permet de faire, justement, la façon dont on emprunte ce vocable religieux, c'est justement de les travailler, de les fouiller, et en particulier de voir la façon dont les institutions les travaillent. Et je pense qu'il faut comprendre, en tout cas, pour la question de la vocation et la question du charisme, nous avons affaire, en fait, à des systèmes de croyances, des systèmes de croyances qui assurent un ordre social, qui assurent des engagements. Là, en l'occurrence, la vocation, c'est une très bonne façon pour des institutions de susciter des engagements extrêmement forts de la part des personnes, tout en passant pour quelque chose de librement consenti. C'est extrêmement puissant comme mécanisme. De la même façon, le charisme est une très bonne façon de légitimer l'ordre social, et qu'une institution peut légitimer l'ordre social sans faire passer cet ordre social comme un ordre d'institution. Donc vous voyez comment on ne peut pas autonomiser ces notions-là, à mon avis, d'une approche en termes d'institution. On ne peut pas les automatiser de qu'est-ce qu'elles font au corps des personnes, le corps ayant fondamentalement cette propriété de faire passer pour naturel des choses qui sont fondamentalement instituées. Et c'est là où le corps fonctionne à la fois et pour la vocation et pour le charisme. Et je vais m'arrêter là pour ne pas trop déborder. Merci beaucoup.